Et alors Les rats attaquent. Maman, viens là, près de moi. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, je te le jure. Une femelle et son petit. N'approchez pas, n'approchez pas. Je n'ai jamais mangé de petit écureuil. Maman. Ça va faire un petit peu mal. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera très rapide. Aucune idée. Mais il est mort. Plus vite, Bender, plus vite. Oui, oui, on arrive au-dessus des halles. Waouh, wow, les rats saccagent tout. C'est quoi ces bruits? Les rats fuient, ils fuient. C'est quoi ces bruits? C'est pas des tonnerres. Waouh, c'est un miracle, Bender. Un miracle. Yahoo. Allez, on fonce, Bender. La guerre est loin d'être perdue maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman, regarde, ils sortent de terre! Allez les gars, on fonce tout droit! Mais oui, tout solide! Armez les canons! Merde, j'ai pété mon fusil! Quelqu'un a un fusil pour moi? Tenez, général Prodris! Merci! Allez, on va leur montrer ce que ça sait faire des gnomes! Bye, Wish! Oh la vache! Vous êtes aussi nombreux, Shooter! Plus que ça, Bender! Beaucoup plus que ça! Ah, c'est une armée entière qui sort! L'armée des Bifouish, Bender! L'armée du peuple! De la clairière. Milo, il faut sonner la retraite maintenant. Allez-y. Tout est perdu. Par ma faute. Faites sonner là. Attendez. Vous entendez? Quoi? Ce bruit. Vous l'entendez comme moi, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une autre armée? Des araignées? C'est quoi ces petits coups de tonnerre? L'espoir. On ne va pas en retraite. Que tout le monde reprenne son poste. Non loin du champ de bataille. Le tonnerre grondait, la pluie tombait, et Ratis souriait. Un éclair zébra le ciel dans son dos, une ombre passant sur son visage. Il ne pouvait pas me relever, je ne voulais plus me relever. Un bref coup d'œil à droite, la lance reposait sur une racine. Je pouvais presque l'atteindre, mais à quoi cela servirait-il? Tuer Ratis empêcherait-il notre armée de perdre la bataille? Sauverais-je Éole ainsi? Non. Regarde-moi bien, Squeak. Tout ce que tu as fait l'aura été en vain. Tu m'as éloigné de Wish City. J'y retournerai. Tu m'as même aidé. Ici, j'ai retrouvé la liberté alors que dans les cavernes, j'étais plus ou moins prisonnier de vos tunnels. Là, je connais les chemins pour entrer et sortir. Je peux me déplacer plus rapidement, plus facilement. Et après une telle victoire, tout le monde connaîtra mon nom. Il retenait sa patte. Il ne voulait pas me tuer, pas encore. Il voulait me voir perdu, désespéré. Oui, il voulait savourer ma défaite. Savourer sa victoire. Tu as peur, Squeak? L'avenir te fait peur? La mort te fait peur? Sais-tu ce qui adviendra de tes amis quand tu seras mort? Quel plaisir. Avant même de t'ôter la vie, j'ai tué en toi ce qui te motivait. L'espoir. Tu n'as pas encore gagné. Vraiment? Des détonations, lointaines. Ratis a tourné la tête. Qu'est-ce que c'est? J'ai roulé sur le sol, attrapant la lance posée sur la racine. Oh! Elle s'était plantée près de l'épaule de Ratis, presque au niveau du cœur. J'étais accroupi, immobile. Ratis me regardait, mais dans son œil unique, il n'y avait plus cette fièvre, cette colère. Juste la tristesse. D'une patte, il retira la lance sans brancher. Ça, tu croyais me tuer aussi facilement, Squeak? Et détonation. C'est mon peuple, Ratis. Les Bifwish sortent de leur tanière. Pour toi. Mais il n'y avait aucune joie. Je ne ressentais rien. Je ne voyais que la tristesse briller dans l'œil de Ratis.